dit oh, ça qui fait. Pour venger Samson, au meilleur trahi Juliette. On te dit oh, ça qui raide. Ou pas qu'à vrai, vine avec l'amour, ça qui traite. Pas qu'à ni bon à pienne, qu'on a dans gros sortilège. Par côté 11 et 17. Coupe, coupe, et puis on a m'gilet. Malanda va pas des pis, j'en dis jour. C'est que le fond j'a fait moins plairé. Attention à vous, c'est qu'un moins ou pas volé. A pas moins qui qu'un plairé. On s'y crie qui aime tout, fait qui douce. Envolé à l'entour, à l'amour. Attention à vous, c'est qu'un moins ou pas volé. A pas moins qui qu'un plairé. Non. Si quer moi ou pas voler, a pas ma qui qu'elle pleure et nous mort. Non, non. T'en sont à vous, si quer moi ou pas voler, a pas ma qui qu'elle pleure. Oh, soum soum, quand yo fait Samson, pas fait moué, pas ça qui dit jonté. Et même les loups qui si tension, pas d'où corps, ah oui, la méchasseté. A l'amour à vacuum, si on t'a fait ça comme un homme sensé. Pas un plan B ou K, songez ça les bateaux la katangé. Pas d'édito, pas fait moi porter des charges, comme pas si porter. Tenis les pots pour faire moi rêver des mots, pour faire moi décoller. Mais allez que nous poser, c'est là où on vit déconner. Je là c'est ça qui fait de belle, ceux qui prient pas désolé. La malade a pas des pis, j'en dis jour. C'est que le vent j'a fait moins pleurer. Attention à vous, si qu'un moins ou pas voler. A pas moi qui qu'un pleurer. On s'y crie qui aime tout, fait qui douce. Envolé à l'entour, à l'amour. Attention à vous, si qu'un moins ou pas voler. A pas moi qui qu'un pleurer. Non, non. Attention à vous, si qu'un moins ou pas voler. A pas moi qui qu'un pleurer. En tête à, qui montait cauchemar quand t'es rêveur. Je dis nous on sa l'histoire. Pas qu'à vrai qu'à moi fait bam. Ha! Dis doudou chéri en moi. Couchant benoît la gueule est à boire. Je dis joue nous on sa l'histoire. Pas qu'à vrai ça m'en fait bam. Ha! Attaque zombie. PMC au port. Tout bien. En malade à pas des pis, j'en dis jour. C'est que le fond j'a fait moins pleurer. Attention à vous, c'est qu'un moins ou pas voler. A pas moi qui qu'un pleurer. On s'y crie qui aime tout, fait qui douce. Envolé à l'entour, à l'amour. Attention à vous, c'est qu'un moins ou pas voler. A pas moi qui qu'un pleurer. Non. Si qu'un moi ou pas voler, a pas moi qui qu'elle pleure et nous mort. Non, non. Attention à vous, si qu'un moi ou pas voler, a pas moi qui qu'elle pleure. Pour ta première fois, en vrai, en ayant arrêté la plantée complète. Puis je dis à quel point on dégue. Si chérie, en bas, t'es fait faire souffrir. Mais l'amour, ça, j'en ai mon frère. Pour pas qu'un moins rempli douleur. Tout sentiment m'a disparaît. En pas te faire souffrir. Mais l'amour ça j'a game au feu. Pour prendre qu'un moins rempli douleur. Tout sentiment m'a disparaît.